Kléber, Mendoza Filho et Juliano Dornel entrent en lice ce soir. Ce mercredi est aussi celui de l'entrée en matière pour la quinzaine des réalisateurs avec Le Dain, le désopilant film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Red Dingue de son blouson suédé et Adèle Haenel en serveuse de bar doucement frappée. Voilà pour l'info, très belle soirée à notre écoute. Et prochain rendez-vous avec l'information, ça sera demain matin à partir de 7h avec Sue Hélène. Radio qui vous fait chanter en français.